Premièrement, Clément Toussaint. Chapitre 1er, un fils avocat. Dans une chaumière située aux environs de Saint-Georges, sur la rive droite de la Loire, à une dizaine de kilomètres d'Angers, quatre personnes, assises au bout d'une longue table de chêne, achevaient de déjeuner et s'entretenaient avec une certaine vivacité. C'était un dimanche, et l'on profitait pour s'occuper d'affaires, de l'intervalle qui séparait l'heure du repas de celle de l'office. L'affaire en question devait être grave. Elle absorbait l'attention de nos quatre personnages. Elle n'avait rien de fâcheux. Toutes les figures étaient épanouies. Le plus âgé des interlocuteurs était Jérôme Toussaint, un homme de 55 ans, ayant des manières rondes, une figure ouverte et qui passait pour un des bons cultivateurs du pays. Vis-à-vis de lui était assise sa femme Catherine, encore avenante malgré ses 48 ans, et parée avec un soin qui trahissait un vif désir de produire de l'effet à l'église. La physionomie de Catherine, d'abord avec sa toilette, laissait voir qu'elle n'était pas dépourvue de vanité, et qu'elle eût été bien humiliée de ne point paraître une des plus aisées du village. Elle avait à sa droite un grand et fort garçon de 24 à 25 ans, le fils de son frère Marcel Bruneteau, qui vivait sous le toit du père Jérôme depuis une quinzaine d'années qu'il était orphelin. Marcel avait des traits assez réguliers, les dents blanches et bien rangées, les lèvres vermeilles et souriantes, de grands yeux noirs dont la principale occupation semblait être d'admirer une jeune fille assise en face de lui, à la gauche de son oncle Jérôme. Celle-ci s'appelait Thérèse. Elle était fille de Jérôme et de Catherine Toussaint. Elle entrait dans sa 19e année et passait pour être la beauté la plus remarquable du canton. Peut-être eut-on parcouru tout l'Anjou, pays si riche en belles filles, sans en rencontrer une qui pût lui être comparée. Elle avait une taille élégante et souple. Les traits de son visage, d'un dessin pur et délicat, formaient un ensemble plein d'harmonie. Son pied eût rivalisé de petitesse avec celui d'une Parisienne, et le travail n'avait pas eu le pouvoir d'altérer les lignes correctes de sa main. Toutes ces perfections justifiaient surabondamment l'admiration du cousin Marcel. Il manquait une cinquième tête à ce tableau de famille. Jérôme et Catherine avaient un fils du même âge que Marcel, mais ce fils était à Paris. Clément, c'était son nom, avait annoncé tout jeune les plus heureuses dispositions. À 7 ans, il avait appris en quelques mois à lire et à écrire mieux que ne le faisaient des enfants de 12 ans, qui comptaient 5 et 6 années d'école. Et il ne lisait point comme les autres, tout d'une haleine et sur le même ton, sans distinction de phrase ni de sens. Il observait des temps d'arrêt. Il nuançait les inflexions de sa voix. Il ornait même son débit de petits gestes gracieux, si bien que l'instituteur, et à son exemple les habitants du village, ne l'appelaient que « Monsieur l'avocat ». « Oh, que ne disent-ils vrai ? » s'écria un jour Catherine, toute glorieuse de ce surnom décerné à son cher Clément. « Je gage, répondit Jérôme, que maître Pinjard, qui a si bien parlé dans notre procès contre les Fauchereaux, n'a pas la langue mieux pendue que le serait celle de notre fils, si jamais il devenait avocat. Et au fait, notre homme, pourquoi ne le viendrait-il point ? Qu'est-ce que tu dis, la femme, Clément, avocat ? Clément qui n'est que le fils d'un paysan ? Le neveu du père de Mathurin est bien vicaire. Un vicaire, ça coûte meilleur marché à faire qu'un avocat. Nous ne sommes pas, que je crois, les plus pauvres du pays, insista Catherine. Nous avons une maison qui n'est point déplaisante, un jardin de bon rapport, des champs qui ne sont point ingrats, les pièces de vigne les mieux exposées du canton. Et tout cela ne doit rien à personne. Quand l'année se comporte bien, il se trouve toujours, après la moisson, quelques écus de reste pour nous arrondir. Si au lieu d'acheter de nouvelles terres, nous destinions cet argent-là à pousser notre Clément, il serait monsieur l'avocat pour tout bon, et ça nous ferait un fier honneur. Tu ne sais ce que tu dis, Catherine. Avant d'être avocat, il faut étudier bien des années. Il faut aller dans des écoles, comme qui dirait le collège d'Angers et l'école de droit de Paris. Il faut dépenser le coûtant de bien des perches de vignes et de prés. Ça serait une folie. N'en parlons plus. Mais pour sortir de la tête de Catherine, l'idée d'être la mère d'un avocat y avait pénétré trop avant. Elle ne se rebuta point et revint souvent à la charge. Le père Jérôme, qui peut-être au fond ne demandait pas mieux que de se laisser faire violence, finit par céder. Et la folie fut faite. Clément fut envoyé au collège d'Angers, la famille Toussaint cessa de s'arrondir tous les ans pour nous servir de l'expression de Catherine. Les choses allèrent assez bien pendant quelques années. Si l'accroissement avait cessé, il n'y avait pas non plus diminution. Le sacrifice imposé à la famille n'atteignait que le superflu. Le nécessaire demeurait intact. Mais lorsqu'il fut question, Clément ayant achevé ses humanités, de l'envoyer prendre ses inscriptions à l'école de droit de Paris, Jérôme commença à s'apercevoir qu'il s'était engagé un peu légèrement dans une affaire dont il n'avait calculé ni prévu toutes les conséquences. La dépense annuelle fut doublée. Les bénéfices de l'année ne suffirent plus à y faire face. Il fallut recourir à l'emprunt. Une vigne fut hypothéquée, puis une autre, puis un champ, puis un pré. À chaque nouvelle saignée, le père Jérôme ne pouvait s'empêcher de dire en soupirant « Dieu que ça coûte cher à faire un avocat !» Mais Catherine lui remontait le courage en répondant « Encore 3 ans, encore 2 ans, encore 1 an, et notre Clément nous revaudra le centuple, en profit et en honneur. » Au moment où commence notre récit, Clément achevait à Paris la dernière année de son temps d'études et d'épreuves. « Et combien y a-t-il de temps que ça t'a pris, mon garçon ?» demanda le père Jérôme à Marcel en clignant de l'œil, et avec un sourire dont la moquerie n'avait rien de bien hostile. Marcel répondit, le regard toujours fixé sur Thérèse qui baissait les yeux. « Dame, je serais bien embarrassé de vous le dire, mon oncle, vu qu'il me semble que ça n'a pas eu de commencement, même que je suis sûr que ça n'aura pas de fin. Donc tu demandes notre fille Thérèse en mariage, et ça te fera plaisir que je te donne mon consentement ?»« Oh, 1000 fois plus que je ne saurais vous dire. » « Et toi, femme, qu'est-ce que tu en penses ?»« Marcel est un brave garçon, » dit Catherine. « Quand il se met à la besogne, il vaut 3 travailleurs. Il n'est pas dépensier, il a le caractère bien fait. J'ai dans l'idée que celle qui sera sa femme pourra se vanter d'avoir un bon mari. »« Ma tante, » dit Marcel en prenant la main de Catherine, « voilà des paroles qui font du bien et qui donnent du courage. »« Allons, » reprit Jérôme, « la mère est pour toi et le père ne t'est point opposé. C'est quelque chose, mais ce n'est pas tout. Il faut encore l'avis d'une 3e personne. » Si on te priait de dire le tien, Thérèse, que répondrais-tu ? Thérèse leva sur son père de beaux yeux bleus qui semblaient demander grâce, et ses joues se colorèrent d'un vif incarnat. Pourquoi garder le silence, mon enfant ? Tu sais que nous voulons ton bonheur, et que tu nous trouveras toujours disposé à faire ce qui est juste et raisonnable. Parle donc sans crainte, et dis-nous ce que tu penses de la demande de ton cousin. Thérèse parut faire un grand effort de courage. Ma mère, répondit-elle à demi-voix, a dit tout à l'heure qu'elle croyait que Marcel serait un bon mari. J'ai là-dessus tout à fait la même idée que ma mère. » Les yeux de Marcel s'illuminèrent de joie et de reconnaissance. « Oui, là, mes enfants, » fit le père Jérôme, « puisque tout le monde est d'accord, c'est un mariage qui pourra se faire après les semailles. Si toutefois la moisson est bonne, » sera-t-il d'ajouter, « car les dépenses de l'année ont été lourdes et les espèces deviennent de plus en plus rares. » Un nuage passa sur la physionomie de Jérôme. L'expression de bonheur répandue sur les traits de Marcel et de Thérèse l'eut bientôt dissipée. Dans ce moment, le piéton passa la tête et la main par la fenêtre à demi ouverte, en criant « Voilà une lettre pour vous, père Jérôme. Ça doit être du fils. J'ai reconnu l'écriture et ça vient de Paris. » « Une lettre de Clément ? Tous les bonheurs à la fois, notre homme. » Depuis un mois, nous étions sans nouvelles de mon frère. « C'est peut-être la nouvelle que le cousin ait reçue avocat. »« Nous allons voir, » reprend Jérôme. « Prends cette lettre, Thérèse, et fais-nous savoir ce qu'il y a dedans. Toi qui sais lire, écrire et parler comme un notaire. » Thérèse, en l'absence de son frère, était en effet la savante de la famille. Les bienfaits de l'instruction primaire n'avaient pas été perdus pour elle, et de même qu'elle était la plus jolie, elle était aussi la plus instruite de l'endroit. La lettre de Clément était ainsi conçue. « Cher père, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de subir mon dernier examen, et que je me suis tiré de cette épreuve avec tout le succès que je pouvais désirer. Il ne me reste plus qu'à présenter et soutenir ma thèse. J'ai l'espoir d'en sortir avec le même bonheur. » J'éprouve, croyez-le bien, un grand contentement, à voir que le ciel, en couronnant mes efforts, ne laisse pas inutiles les sacrifices que vous avez faits, pour me donner dans le monde une position honorable. Mon seul regret est que ces sacrifices, quelque nombreux qu'ils aient été déjà, ne soient pas encore arrivés à leur terme. Je compte être en mesure de présenter ma thèse dans 3 ou 4 mois, mais sans compter les frais qu'entraînera cette nouvelle et dernière épreuve, il faudra que je vive jusque-là. Or, mes ressources sont à peu près épuisées. Et j'estime qu'il ne me faudra pas moins de 500 francs pour faire face à toutes ces dépenses. Je vous prie, cher père, de m'envoyer cette somme aussitôt que vous le pourrez. Avec ce qui me reste, je n'irai pas au-delà d'une 8aine. Embrassez bien tendrement pour moi ma bonne mère. Dites à Thérèse qu'il me tarde de lui prouver autrement que par des paroles la sincérité de mes sentiments fraternels. Et au cousin Marcel que je lui serre cordialement la main. Adieu, cher père. Croyez à l'amour et au dévouement de votre fils. Clément Toussaint. Un long silence succéda à la lecture de cette lettre. Catherine, tout à l'heure si gaie, soupirait et baissait les yeux dans la peur de rencontrer ceux de son mari. Le front plissé de Jérôme indiquait trop bien la nature de ses réflexions. Marcel interrogeait successivement son oncle et sa tante d'un regard inquiet. Thérèse seule était calme. « Enfin, dit-elle, Clément réussit, et il se porte bien. Le ciel en soit loué. 500 francs, fit Jérôme avec un accent douloureux. 500 francs, où les prendrais-je? Bon Dieu, ah, femme, femme, faudra-t-il donc engager ou vendre jusqu'à notre dernier morceau de terre? Catherine ne répondit point. Ce fut Thérèse qui prit la parole. La tâche approche de sa fin, père. Il ne faut pas se décourager. Peut-être suffira-t-il de quelques mois à Clément pour dégrever tous les biens que vous avez engagés depuis 4 ans. Jérôme secoua la tête avec un air de doute. Qui sait, ma fille? Plus je vas, moins j'ai confiance, et en attendant, nous courons à la ruine. Je suis épuisé par les frais d'emprunt, le paiement des intérêts et le renouvellement des obligations échues. Les marchands d'argent sont âpres au gain, et n'ont point le cœur tendre. Qu'une récolte vienne à manquer, nous sommes perdus. Je comptais sur celle qui se prépare pour vous marier, mes enfants. Eh bien, si j'emprunte encore, voilà un bonheur auquel nous devons renoncer cette année, et qu'il faudra renvoyer à bien loin peut-être. Je ne peux pas marier ma fille sans lui donner un ménage et un trousseau. Moi qui fais passer à Paris tant d'argent pour son frère, tous les gens du village me blâmeraient, et ils auraient raison. Ah, si la chose était à recommencer. Ces paroles tombaient comme un reproche sur le cœur de Catherine. Deux larmes échappées de ses paupières glissèrent le long de ses joues. C'est moi qui t'ai poussé, notre homme. Je l'avoue, et je reconnais que j'ai eu tort. Peut-être, ajouta-t-elle avec un soupir, indice du violent effort qu'elle faisait sur elle-même. Peut-être serait-il sage d'arrêter le mal, et de faire revenir Clément au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il y ferait? Répliqua brusquement Jérôme. Mettez donc un monsieur qui a les mains blanches à remuer du fumier. Enverras-tu ton fils conduire nos porcs au marché, avec un habit noir et des escarpins? C'est donc pour cela, père, que vous devez aller jusqu'au bout, reprit vivement Thérèse. Quant à notre mariage. Elle s'arrêta un moment, comme si le mot avait peine à sortir. Nous attendrons, n'est-ce pas, Marcel? Nous attendrons. Si vous le voulez, Thérèse, il le faudra bien, dit Marcel, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis la lecture de la lettre, mais dont les traits allongés et le maintien décontenancé annonçaient des sentiments peu d'accord avec cette apparente résignation. « Le bon Dieu nous donnera peut-être un bon conseil, » fit Jérôme en se levant. Et prenant sa femme par le bras, il sortit avec elle pour se rendre à l'église. Marcel arrêta Thérèse, qui paraissait se disposer à les suivre. « Ainsi, cousine, votre avis est que nous devons attendre ?»« Oui, Marcel, c'est mon avis, et je pense que c'est aussi le vôtre. »« Le mien, Thérèse, le mien. Tenez, me forcez pas à dire tout ce que j'ai sur le cœur. » « Pourquoi donc? C'est ce que je veux savoir, au contraire. Et si vous m'aimez, comme vous le dites, Marcel, vous ne devez rien me cacher. Au fait, vous avez raison. Je me serais au moins soulagé une bonne fois. J'aime Clément, ça ne fait pas de doute. Quand nous étions petits, nous avons gardé les moutons ensemble, et plus tard les vaches. Ce sont des choses qui ne s'oublient point. Mais quand je vois que le père Jérôme se met sur la paille, à seule fin de faire un monsieur de son fils, et que depuis tantôt un an, vous portez le même tablier, le même bonnet et le même fichu, quand je vois que la mère Catherine amasse des épargnes qu'elle envoie en cachette à Clément, tandis qu'à la dernière fois vous n'aviez pas seulement de quoi tourner à la loterie pour gagner la moindre tasse de porcelaine, ou autre chose, eh bien je dis que c'est injuste, et que vous êtes victime, et que ça me crève le cœur, ni plus ni moins que si j'avais la lâcheté, en soignant mes chevaux, de donner tout au l'avoine à Coco, et rien du tout à la grise. Je dis que voilà déjà qu'on ne peut plus nous marier cette année, et qu'on ne nous mariera pas davantage l'année qui vient, je dis. Et moi, interrompit Thérèse, je dis que j'ai entendu trop longtemps vos mauvais propos, que si l'on ne nous marie pas, ce sera bien fait, et que j'aime mieux rester fille toute ma vie que d'épouser un mauvais cœur. Thérèse s'éloigna précipitamment. Marcel demeura pétrifié sur le seuil. Mauvais cœur, elle m'a appelé mauvais cœur. Il y avait dans son accent un mélange de douleur et d'indignation. Il s'assit sur le banc de pierre appuyé au mur extérieur de la maison, à côté de la porte. Une de ses mains soutenait son front plissé. L'autre se crispait par moments sur son genou. Ses lèvres contractées et le feu sombre de son regard trahissaient une lutte violente au fond de son âme. Marcel resta longtemps dans cette posture, répétant par intervalles « Mauvais cœur !»« Thérèse m'a appelé mauvais cœur !» Tout à coup, il se lève. Il rentre dans la chaumière. Il tire d'un vieux coffre placé sous sa couchette quelques vêtements et un peu de linge dont il forme un petit baquet. Il va couper ensuite à un des arbres du verger une branche qu'il dépouille de ses feuilles et de ses rameaux. Dans le nœud du mouchoir qui enveloppe son paquet, il introduit la petite extrémité de ce bâton, dont il appuie le milieu sur son épaule, et couvrant sa tête de son large feutre noir. « Ah ! S'écrie-t-il, je suis un mauvais cœur ! Eh bien, on verra !» Il traverse le jardin d'un pas résolu, sort par la porte des champs, enfile un sentier au milieu des vignes, et s'éloigne rapidement dans la direction d'Angers. Cependant, Thérèse, au lieu de prendre le chemin de l'église, s'était rendue chez une vieille dame, dont elle avait, tout enfant, gagné l'affection. Et qui était la confidente de ses sentiments, de ses espérances, et aussi de ses chagrins, quand elle en avait, ce qui s'était présenté rarement jusqu'alors. Ce n'est point, lui dit-elle, une confidence nouvelle que je viens vous faire. Vous m'avez bien souvent prédit, vous-même, ce qui arrive aujourd'hui. Je ne viens pas non plus vous demander un conseil. Mon parti est pris, mais j'ai à vous adresser une prière fervente. Promettez-moi de ne point la repousser. Tu connais mon cœur, répondit Madame Germain. Ainsi se nommait la vieille dame. Je n'ai rien à te refuser de ce qui est en mon pouvoir, cher enfant, surtout s'il s'agit de ton bonheur. De mon bonheur, fit Thérèse en levant les yeux au ciel. Eh bien, oui, car je serai heureuse de contribuer au bonheur de mon frère, d'apporter du soulagement à mon père, d'aider à l'accomplissement du beau rêve de ma mère. Thérèse raconta la scène qu'avait provoquée la lettre de Clément et ajouta. Vous avez dernièrement parlé devant moi d'une place avantageuse pour laquelle vous cherchiez une jeune fille de mon âge. Cette place, sollicitez-la pour moi. Je vous en supplie. Je n'exigerai qu'une seule chose, c'est qu'on me payera d'avance une année des gages convenus. Vous me connaissez, vous pourrez répondre de moi. Qu'est-ce d'ailleurs pour des gens riches qu'une si faible somme? Cela ne pourra faire une difficulté. Madame Germain essaya vainement de détourner Thérèse d'un pareil dessein. Ses raisonnements échouèrent devant la résolution bien arrêtée de la jeune fille. J'admire ton dévouement, lui dit-elle enfin, et je cesse de m'y opposer. La famille où je puis te placer habite Saint-Georges. C'est aujourd'hui dimanche. Il fait beau. Nous avons devant nous 7 ou 8 heures de jour. Je vais t'y conduire si tu veux. Thérèse prit au mot sa protectrice. Elles s'acheminèrent toutes deux vers le bourg de Saint-Georges. La famille d'Orvault à laquelle Thérèse allait être présentée se composait de 4 personnes. Monsieur d'Orvault était un homme de 45 ans, noble sans vanité, riche sans impertinence, sincèrement ami du progrès, et ne reconnaissant de différence entre les hommes que celle qui résulte de leur éducation. Le savoir était à ses yeux la seule aristocratie admissible. D'un caractère entreprenant et actif, il s'était jeté dans l'industrie et se préparait à partir pour la capitale, où il voulait établir le siège d'une société pour l'exploitation d'une vaste scierie mécanique. M. d'Orvault avait 2 enfants, Fulgence et Mélanie. Fulgence, jeune homme de 22 ans, insignifiant au physique, d'une intelligence ordinaire, de facile composition en morale, plus fier de son origine que les idées du siècle, ne lui permettait de le paraître, était sur le point de terminer à Paris ses études en droit. Il se trouvait en ce moment à Saint-Georges, où il comptait rester 1 mois sous prétexte de passer en famille la 8aine des vacances de Pâques. Jolie, gracieuse, pourvue d'une éducation plus agréable que solide, fantasque et capricieuse comme un enfant gâté, Mélanie avait 17 ans. Elle sortait de pension et n'aspirait qu'au bonheur de faire son entrée sur une scène plus brillante que les salons de Saint-Georges, et même d'Angers, où elle allait quelquefois. Quant à Mademoiselle Honorine, sœur de M. d'Orvault, nous n'avons rien à en dire, si ce n'est qu'elle avait atteint paisiblement la 40aine, sans jamais songer au mariage. Elle faisait si peu de bruit dans la maison qu'à peine s'y apercevait-on de sa présence. On ne s'en apercevra pas davantage dans cette histoire. Thérèse eut à subir l'examen sérieux de M. d'Orvault, facile de Mademoiselle Honorine, très superficielle de Mélanie. Fulgence ne se crut point appelée à donner son avis, mais il ne regarda pas moins la jolie postulante avec une attention marquée. Seulement, quand celle-ci eut décliné son nom, il témoigna quelques surprises. « Toussaint, il y a parmi mes camarades de l'école de droit à Paris un jeune homme qui porte le même nom. » Thérèse allait dire « C'est mon frère. » Une réflexion soudaine l'arrêta. La susceptibilité de Clément ne sera-t-elle point blessée, si l'on venait à savoir qu'il eut une sœur domestique dans la famille d'un de ses amis? Elle se borna donc à ces 2 réponses. « La chose est bien possible, monsieur. Le nom de Toussaint n'est pas rare dans le monde. » Il fut convenu que dès le lendemain, Thérèse ferait partie de la maison en qualité de femme de chambre de Mademoiselle Mélanie. Madame Germain obtint sans peine de M. d'Orvault qu'il serait fait à sa protégée l'avance d'une année de ses gages. Jérôme et Catherine étaient assis tristement au coin de l'ordre quand Thérèse rentra. Elle posa sur la table un petit sac rempli d'écus. « Voilà 240 francs, père. Vous n'en aurez plus que 260 à trouver pour compléter la somme dont Clément a besoin. » 240 francs, fit Jérôme en ouvrant de grands yeux. Tu nous apportes 240 francs, toi Thérèse, sois la bienvenue. Il reprit après un instant de réflexion. Mais encore faut-il que je sache quelle personne comptant me prêter cet argent, et à quelles conditions. Thérèse fit part à ses parents de sa visite chez M. d'Orvault et de ce qui en était résulté. Attendrie jusqu'aux larmes, Catherine attira contre son sein la tête de sa fille et la couvrit de baisers. Jérôme se récria. Te sacrifier ainsi, je ne le permettrai point. Tu n'es pas majeur, tu n'as pas le droit de disposer de toi-même. Le marché est nul, je le ferai casser. Vous y donnerez votre consentement, père, répliqua Thérèse d'une voix ferme. Je ne vous suis pas si utile que vous ne puissiez vous passer de moi. Ma mère a, Dieu merci, assez de force et de santé pour suffire aux travaux de la maison. Ce sera donc en outre une diminution de dépenses, et vous trouverez dans cette économie une ressource de plus pour soutenir mon frère à Paris. » Ah, dit Catherine, tu ne sais pas, cher enfant, ce que c'est que d'être en service chez les autres. Avec du zèle et une bonne conduite, on doit y être bien partout, mère. D'ailleurs, les Dorvaux sont connus dans tout le pays, pour des gens de bien et pour de bons maîtres. Ce débat qui se prolongea dans la soirée fut interrompu par l'arrivée d'un jeune garçon du voisinage. « Je reviens d'Angers, père Jérôme, où j'ai rencontré votre neveu Marcel, qui m'a chargé de vous apporter cette lettre, à seule fin que vous n'ayez point d'inquiétude en ne le voyant pas rentrer ce soir. » « Marcel à Angers, pourquoi faire ?»« Il m'en a soufflé mot, répondit le messager. « Mais bien sûr qu'il en a couché l'explication sur ce papier. Votre serviteur l'accompagnit. » Le jeune homme sortit. Jérôme remit la lettre à sa fille, dont les mains tremblèrent en rompant le cachet. Elle en fit la lecture d'une voix émue. « Mon cher oncle, je suis parti sans vous dire adieu, non plus qu'à ma tante, vu que ça m'aurait navré le cœur, et à vous aussi. J'avais entendu parler d'un fils famille, tombé au sort, qui cherchait un remplaçant. » C'était justement mon affaire, à moi qui ne suis plus bon à grand-chose, depuis que vous vous êtes défait d'une partie de vos vignes et de vos prés. Je suis donc venu m'offrir, on m'a accepté, et aussitôt que le notaire y aura passé, je me mettrai en route pour rejoindre mon régiment. J'espère que je pourrai vous envoyer bientôt les 400 francs qu'on est convenu de me donner le jour de mon admission au corps. Le surplus sera payé que dans un an. Je vous serais obligé de faire passer cet argent à mon cousin, sans lui faire savoir d'où il vient. Ça pourrait le chagriner. Et j'aurai l'air de lui en demander la reconnaissance, ce qui est bien loin de mon idée. Dites à ma cousine Thérèse que je m'en vas pour 7 ans et avec l'espoir qu'elle ne m'appellera plus mauvais cœur et qu'elle voudra bien me conserver sa foi jusqu'au jour où je serai libéré. Marcel Brunetot. Oh, le brave garçon, le digne garçon, dit Jérôme en passant sa main sur ses yeux. Un cœur dehors, fit Catherine. Thérèse approcha le papier de ses lèvres. Oh oui, je l'attendrai. Jamais je ne serai la femme d'un autre. Jérôme reprit. Veux-tu nous quitter encore, Thérèse? « Oui, père, avant que Clément puisse se suffire. Il aura longtemps et souvent recours à vous. Et puis, ajouta-t-elle, c'est ici que j'ai appelé Marcel Mauvais Cœur. Ce souvenir-là me poursuivrait comme un remords. Je ne veux rentrer dans cette maison qu'avec l'assurance d'y retrouver mon cousin, prêt à me pardonner. » Le lendemain, Jérôme voulut conduire lui-même sa fille jusqu'à Saint-Georges. Catherine demeura sur le seuil de la porte aussi longtemps qu'elle put les suivre des yeux. Plus d'une fois, elle soupira en disant « Pauvre Thérèse, pauvre Marcel !» Mais insensiblement à cette exclamation, elle substitua cet autre. Enfin, j'aurai un fils avocat,